بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. عَبَسَ وَتَوَلَّى. Il s'est renfrogné et il s'est détourné. أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى. Parce que l'aveugle est venu à lui. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Qui te dit, peut-être cherche-t-il à se purifier. أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى. Ou à se rappeler en sorte que le rappel lui profite. أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى. Quant à celui qui se complaît dans sa suffisance pour sa richesse, فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. Tu vas avec empressement à sa rencontre. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى. Et quant à celui qui vient à toi avec empressement, وَهُوَ يَخْشَى. Tout en ayant la crainte, فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Tu ne t'en soucies pas. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. N'agis plus ainsi, vraiment, ceci est un rappel. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Quiconque veut, donc, s'en rappelle. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ. Consigné dans des feuilles honorées. مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ. Élevé, purifié. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. Entre les mains d'ambassadeurs. كِرَامٍ بَرَرَةٍ. Noble, obéissant. قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ. Que périsse l'homme, qu'il est ingrat. مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ. De quoi Allah l'a-t-il créé ? مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ. D'une goutte de sperme, il le crée et détermine son destin. ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ. Puis il lui facilite le chemin. ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. Puis il lui donne la mort et le met au tombeau. ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ. Puis il le ressuscitera quand il voudra. كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ. Eh bien non, l'homme n'accomplit pas ce qu'il lui commande. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ. Que l'homme considère donc sa nourriture. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا. C'est nous qui versons l'eau abondante. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا. Puis nous fendons la terre par fissures. فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا. Et y faisons pousser grains. وَعِنَبًا وَقَضْبًا. Vignobles et légumes. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا. Oliviers et palmiers. وَحَدَائِقَ غُلْبًا. Jardin touffu. Fruits et herbages. Pour votre jouissance, vous et vos bestiaux. Puis quand viendra le fracas ? Le jour où l'homme s'enfuira de son frère de sa mère et de son père de sa compagne et de ses enfants car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper.